Livre 8, deuxième partie. Dans l'indépendance où je voulais vivre, il fallait cependant subsister. J'en imaginais un moyen très simple. Ce fut de copier de la musique à tant la page. Si quelque occupation plus solide eût rempli le même but, je l'aurais prise. Mais ce talent étant de mon goût, et le seul qui, sans assujettissement personnel, pût me donner du pain au jour le jour, je m'y tins. Croyant n'avoir plus besoin de prévoyance et faisant taire la vanité, de caissier d'un financier, je me fis copiste de musique. Je crus avoir gagné beaucoup à ce choix, et je m'en suis si peu repenti que je n'ai quitté ce métier que par force, pour le reprendre aussitôt que je pourrais. Le succès de mon premier discours me rendit l'exécution de cette résolution plus facile. Quand il eut remporté le prix, Diderot se chargea de le faire imprimer. Tandis que j'étais dans mon lit, il m'écrivit un billet pour m'en annoncer la publication et les faits. « Il prend, me marquait-il, tout par-dessus les nues. Il n'y a pas d'exemple d'un succès pareil. » Cette faveur du public, nullement briguée, et pour un auteur inconnu, me donna la première assurance véritable de mon talent, dont, malgré le sentiment interne, j'avais toujours douté jusqu'alors. Je compris tout l'avantage que j'en pouvais tirer pour le parti que j'étais prêt à prendre, et je jugeai qu'un copiste de quelque célébrité dans les lettres ne manquerait vraisemblablement pas de travail. Sitôt que ma résolution fut bien prise et bien confirmée, j'écrivis un billet à M. de Franqueuil pour lui en faire part, pour le remercier, ainsi que Mme Dupin, de toute leur bonté et pour leur demander leur pratique. Franqueuil, ne comprenant rien à ce billet et me croyant encore dans le transport de la fièvre, accourut chez moi, mais il trouva ma résolution si bien prise qu'il ne put parvenir à l'ébranler. Il alla dire à Mme Dupin et à tout le monde que j'étais devenu fou. Je laissai dire et j'allai mon train. Je commençai ma réforme par ma parure. Je quittai la dorure et les bas blancs, je pris une perruque ronde, je posai l'épée, je vendis ma montre en me disant avec une joie incroyable « Grâce au ciel, je n'aurai plus besoin de savoir l'heure qu'il est ». Monsieur de Franqueuil eut l'honnêteté d'attendre assez longtemps encore avant de disposer de sa caisse. Enfin, voyant mon parti bien pris, il l'a remis à Monsieur d'Alibard, jadis gouverneur du jeune Chenonceau, et connu dans la botanique par sa Flora parisiensis. Quelque austère que fût ma réforme somptuaire, je ne l'étendis pas d'abord jusqu'à mon linge, qui était beau et en quantité, reste de mon équipage de Venise, et pour lequel j'avais un attachement particulier. À force d'en faire un objet de propreté, j'en avais fait un objet de luxe, qui ne laissait pas de m'être coûteux. Quelqu'un me rendit le bon office de me délivrer de cette servitude. La veille de Noël, tandis que les gouverneuses étaient à vêpres et que j'étais au concert spirituel, on força la porte d'un grenier où était étendu tout notre linge, après une lessive qu'on venait de faire. On vola tout, et entre autres, 42 chemises à moi, de très belles toiles, et qui faisaient le fond de ma garde-robe en linge. À la façon dont les voisins dépeignirent un homme qu'on avait vu sortir de l'hôtel, portant des paquets à la même heure, Thérèse et moi soupçonnâmes son frère, qu'on savait être un très mauvais sujet. La mère repoussa vivement ce soupçon, mais tant d'indices le confirmèrent qu'il nous resta, malgré qu'elle en eût. Je n'osais faire d'exactes recherches, de peur de trouver plus que je n'aurais voulu. Ce frère ne se montra plus chez moi et disparut enfin tout à fait. Je déplorais le sort de Thérèse et le mien de tenir à une famille si mêlée, et je l'exhortais plus que jamais de secouer un joug aussi dangereux. Cette aventure me guérit de la passion du beau linge, et je n'en ai plus eu depuis que de très communs, plus assortissant au reste de mon équipage. Ayant ainsi complété ma réforme, je ne songeais plus qu'à la rendre solide et durable, en travaillant à déraciner de mon cœur tout ce qui tenait encore au jugement des hommes, tout ce qui pouvait me détourner, par la crainte du blâme, de ce qui était bon et raisonnable en soi. À l'aide du bruit que faisait mon ouvrage, ma résolution fit du bruit aussi et m'attira des pratiques, de sorte que je commençai mon métier avec assez de succès. Plusieurs causes, cependant, m'empêchèrent d'y réussir, comme j'aurais pu faire en d'autres circonstances. D'abord, ma mauvaise santé. L'attaque que je venais d'essuyer eut des suites qui ne m'ont laissé jamais aussi bien portant qu'auparavant. Et je crois que les médecins auxquels je me livrais me firent bien autant de mal que la maladie. Je vis successivement Morand, Daran, Helvétius, Malouin, Thierry, qui, tous très savants, tous mes amis, me traitèrent chacun à sa mode, ne me soulagèrent point et m'affaiblirent considérablement. Plus je m'asservissais à leur direction, plus je devenais jaune, maigre, faible. Mon imagination, qu'ils effarouchaient, mesurant mon état sur l'effet de leur drogue, ne me montrait avant la mort qu'une suite de souffrances, les rétentions, la gravelle, la pierre. Tout ce qui soulage les autres, les tisanes, les bains, la saignée, empirait mes maux. M'étant aperçu que les sondes de Daran, qui seules me faisaient quelque effet et sans lesquelles je ne croyais plus pouvoir vivre, ne me donnaient cependant qu'un soulagement momentané, je me mis à faire, à grands frais, d'immenses provisions de sondes pour pouvoir emporter toute ma vie, même au cas que Daran vint à manquer. Pendant 8 ou 10 ans que je m'en suis servi si souvent, il faut, avec tout ce qui m'en reste, que j'en ai acheté pour 50 louis. On sent qu'un traitement si coûteux, si douloureux, si pénible, ne me laissait pas travailler sans distraction, et qu'un mourant ne met pas une ardeur bien vive à gagner son pain quotidien. Les occupations littéraires firent une autre distraction, non moins préjudiciable, à mon travail journalier. À peine mon discours eut-il paru, que les défenseurs des lettres fondirent sur moi comme de concert. Indignés de voir tant de petits messieurs josses, qui n'entendaient pas même la question, vouloir en décider en maître, je pris la plume, et j'en traitai quelques-uns de manière à ne pas laisser les rieurs de leur côté. Un certain monsieur Gautier, de Nancy, le premier qui tomba sous ma plume, fut rudement malmené dans une lettre à monsieur Grimm. Le second fut le roi Stanislas lui-même, qui ne dédaigna pas d'entrer en lice avec moi. L'honneur qu'il me fit me força de changer de ton pour lui répondre. J'en pris un plus grave, mais non moins fort, et sans manquer de respect à l'auteur, je réfutai pleinement l'ouvrage. Je savais qu'un jésuite, appelé le père Menou, y avait mis la main. Je me fiai à mon tact pour démêler ce qui était du prince et ce qui était du moine. Et, tombant sans ménagement sur toutes les phrases jésuitiques, je relevais, chemin faisant, un anachronisme que je crus ne pouvoir venir que du révérend. Cette pièce, qui, je ne sais pourquoi, a fait moins de bruit que mes autres écrits, est jusqu'à présent un ouvrage unique dans son espèce. J'y saisis l'occasion qui m'était offerte d'apprendre au public comment un particulier pouvait défendre la cause de la vérité, contre un souverain même. Il est difficile de prendre en même temps un ton plus fier et plus respectueux que celui que je pris pour lui répondre. J'avais le bonheur d'avoir affaire à un adversaire pour lequel mon cœur plein d'estime pouvait, sans adulation, la lui témoigner. C'est ce que je fis avec assez de succès, mais toujours avec dignité. Mes amis, effrayés pour moi, croyaient déjà me voir à la Bastille. Je n'eus pas cette crainte un seul moment, et j'eus raison. Ce bon prince, après avoir vu ma réponse, dit « J'ai mon compte, je ne m'y frotte plus. » Depuis lors, je reçus de lui diverses marques d'estime et de bienveillance, dont j'aurai quelques-unes à citer, et mon écrit courut tranquillement la France et l'Europe sans que personne n'y trouvât rien à blâmer. J'eus, peu de temps après, un autre adversaire, auquel je ne m'étais pas attendu, ce même Monsieur Borde de Lyon, qui 10 ans auparavant m'avait fait beaucoup d'amitié et rendu plusieurs services. Je ne l'avais pas oublié, mais je l'avais négligé par paresse, et je ne lui avais pas envoyé mes écrits, faute d'occasion toute trouvée pour les lui faire passer. J'avais donc tort, et il m'attaqua, honnêtement toutefois, et je répondis de même. Il répliqua sur un ton plus décidé, cela donna lieu à ma dernière réponse, après laquelle il ne dit plus rien. Mais il devint mon plus ardent ennemi, saisit le temps de mes malheurs pour faire contre moi d'affreux libelles, et fit un voyage à Londres exprès pour m'y nuire. Toute cette polémique m'occupait beaucoup, avec beaucoup de pertes de temps pour ma copie, peu de progrès pour la vérité, et peu de profit pour ma bourse. Pissot, alors mon libraire, me donnait toujours très peu de choses de mes brochures, souvent rien du tout, et par exemple, je n'eus pas un liard de mon premier discours. Diderot le lui donna gratuitement. Il fallait attendre longtemps et tirer sou à sou le peu qu'il me donnait. Cependant, la copie n'allait point. Je faisais deux métiers. C'était le moyen de faire mal l'un et l'autre. Il se contrariait encore d'une autre façon, par les diverses manières de vivre auxquelles il m'assujettissait. Le succès de mes premiers écrits m'avait mis à la mode. L'état que j'avais pris excitait la curiosité. L'on voulait connaître cet homme bizarre qui ne recherchait personne et ne se souciait de rien que de vivre libre et heureux à sa manière. C'en était assez pour qu'il ne le pût point. Ma chambre ne désemplissait pas de gens qui, sous divers prétextes, venaient s'emparer de mon temps. Les femmes employaient 1000 ruses pour m'avoir à dîner. Plus je brusquais les gens, plus ils s'obstinaient. Je ne pouvais refuser tout le monde. En me faisant 1000 ennemis par mes refus, j'étais incessamment subjugué par ma complaisance, et de quelque façon que je m'y prisse, je n'avais pas par jour 1 heure de temps à moi. Je sentis alors qu'il n'est pas toujours aussi aisé qu'on se l'imagine d'être pauvre et indépendant. Je voulais vivre de mon métier. Le public ne le voulait pas. On imaginait 1000 petits moyens de me dédommager du temps qu'on me faisait perdre. Bientôt, il aurait fallu me montrer comme Polichinelle, à temps par personne. Je ne connais pas d'assujettissement plus avilissant et plus cruel que celui-là. Je n'y vis de remède que de refuser les cadeaux, grands et petits, de ne faire d'exception pour qui que ce fût. Tout cela ne fit qu'attirer les donneurs qui voulaient avoir la gloire de vaincre ma résistance et me forcer de leur être obligé malgré moi. Tel, qui ne m'aurait pas donné un écu si je l'avais demandé, ne cessait de m'importuner de ses offres. Et, pour se venger de les voir rejetées, taxait mes refus d'arrogance et d'ostentation. On se doutera bien que le parti que j'avais pris et le système que je voulais suivre n'étaient pas du goût de Madame Levasseur. Tout le désintéressement de la fille ne l'empêchait pas de suivre les directions de sa mère. Et les gouverneuses, comme les appelait Gaufrecourt, n'étaient pas toujours aussi fermes que moi dans leur refus. Quoi qu'on me cachât bien des choses, j'en vis assez pour juger que je ne voyais pas tout. Et cela me tourmenta, moins par l'accusation de connivence qu'il m'était aisé de prévoir, que par l'idée cruelle de ne pouvoir jamais être maître chez moi, ni de moi. Je priais, je conjurais, je me fâchais, le tout sans succès. La maman me faisait passer pour un grondeur éternel, pour un bourru. C'était avec mes amis des chuchoteries continuelles. Tout était mystère et secret pour moi dans mon ménage. Et pour ne pas m'exposer sans cesse à des orages, je n'osais plus m'informer de ce qui s'y passait. Il aurait fallu, pour me tirer de tous ces tracas, une fermeté dont je n'étais pas capable. Je savais crier et non pas agir. On me laissait dire et l'on allait son train. Ces tiraillements continuels et les importunités journalières auxquelles j'étais assujetti me rendirent enfin ma demeure et le séjour de Paris désagréable. Quand mes incommodités me permettaient de sortir et que je ne me laissais pas entraîner ici ou là par mes connaissances, j'allais me promener seule. Je rêvais à mon grand système. J'en jetais quelque chose sur le papier à l'aide d'un livret blanc et d'un crayon que j'avais toujours dans ma poche. Voilà comment les désagréments imprévus d'un état de mon choix me jetèrent par diversion tout à fait dans la littérature. Et voilà comment je portais dans tous mes premiers ouvrages la bile et l'humeur qui m'en faisaient occuper. Une autre chose y contribuait encore. Jeté malgré moi dans le monde sans en avoir le ton, sans être en état de le prendre et de m'y pouvoir assujettir, je m'avisais d'en prendre un à moi qui m'en dispensa. Ma sotte et maussade timidité, que je ne pouvais vaincre, ayant pour principe la crainte de manquer aux bienséances, je pris, pour m'enhardir, le parti de les fouler aux pieds. Je me fis cynique et caustique par honte. J'affectais de mépriser la politesse que je ne savais pas pratiquer. Il est vrai que cette âpreté, conforme à mes nouveaux principes, s'ennoblissait dans mon âme, y prenait l'intrépidité de la vertu. Et c'est, je l'ose dire, sur cette auguste base qu'elle s'est soutenue mieux et plus longtemps qu'on aurait dû l'attendre d'un effort si contraire à mon naturel. Cependant, malgré la réputation de misanthrope que mon extérieur et quelques mots heureux me donnèrent dans le monde, il est certain que, dans le particulier, je soutins toujours mal mon personnage, que mes amis et mes connaissances menaient cet ours si farouche comme un agneau, et que, bornant mes sarcasmes à des vérités dures, mais générales, je n'ai jamais su dire un mot désobligeant à qui que ce fût. Le devin du village acheva de me mettre à la mode, et bientôt il n'y eut pas d'homme plus recherché que moi dans Paris. L'histoire de cette pièce, qui fait époque, tient à celle des liaisons que j'avais pour Laure. C'est un détail dans lequel je dois entrer pour l'intelligence de ce qui doit suivre. J'avais un assez grand nombre de connaissances, mais deux seuls amis de choix, Diderot et Grimm. Par un effet du désir que j'ai de rassembler tout ce qui m'est cher, j'étais trop l'ami de tous les deux pour qu'ils ne le fussent pas bientôt l'un de l'autre. Je les liais, ils se convinrent, et s'unirent encore plus étroitement entre eux qu'avec moi. Diderot avait des connaissances sans nombre, mais Grimm, étranger et nouveau venu, avait besoin d'en faire. Je ne demandais pas mieux que de lui en procurer. Je lui avais donné Diderot, je lui donnais Gauffecourt. Je le menais chez madame de Chenonceau, chez madame d'Épinay, chez le baron d'Holbach, avec lequel je me trouvais lié presque malgré moi. Tous mes amis devinrent les siens. Cela était tout simple, mais aucun des siens ne devint jamais le mien. Voilà ce qu'il était moins. Tandis qu'il logeait chez le comte de Friese, il nous donnait souvent le dîner chez lui. Mais jamais je n'ai reçu aucun témoignage d'amitié ni de bienveillance du comte de Friese ni du comte de Schomberg, son parent, très familier avec Grimm, ni d'aucune des personnes, tant hommes que femmes, avec lesquelles Grimm eut par eux des liaisons. J'excepte le seul abbé Rénal qui, quoique son ami, se montra les miens, et m'offrit dans l'occasion sa bourse, avec une générosité peu commune. Mais je connaissais l'abbé Rénal longtemps avant que Grimm le connût lui-même, et je lui avais toujours été attaché depuis un procédé plein de délicatesse et d'honnêteté qu'il eut pour moi dans une occasion bien légère, mais que je n'oublierai jamais. Cet abbé Rénal est certainement un ami chaud. J'en eus la preuve à peu près dans le temps dont je parle envers le même Grimm, avec lequel il était étroitement lié. Grimm, après avoir vu quelque temps de bonne amitié mademoiselle Fell, s'avisa tout d'un coup d'en devenir éperdument amoureux et de vouloir supplanter Cahussac. La belle, se piquant de Constance, et conduisit ce nouveau prétendant. Celui-ci prit l'affaire au tragique et s'avisa d'en vouloir mourir. il tomba tout subitement dans la plus étrange maladie dont jamais peut-être on n'ait ouï parler. Il passait les jours et les nuits dans une continuelle léthargie, les yeux bien ouverts, le pouls bien battant, mais sans parler, sans manger, sans bouger, paraissant quelquefois entendre, mais ne répondant jamais, pas même par signe. Et du reste, sans agitation, sans douleur, sans fièvre, et restant là comme s'il eût été mort. L'abbé Raynal et moi, nous partageâmes sa garde. L'abbé, plus robuste et mieux portant, y passait les nuits, moi les jours, sans le quitter, jamais ensemble, et l'un ne partait jamais sans que l'autre ne fût arrivé. Le comte de Friese, alarmé, lui amena ce nac, qui, après l'avoir bien examiné, dit que ce ne serait rien, et n'ordonna rien. Mon effroi pour mon ami me fit observer avec soin la contenance du médecin, et je le vis sourire en sortant. Cependant, le malade resta plusieurs jours immobile, sans prendre ni bouillon ni quoi que ce fût, que des cerises confites que je lui mettais de temps en temps sur la langue et qu'il avalait fort bien. Un beau matin, il se leva, s'habilla et reprit son train de vie ordinaire, sans que jamais il m'ait reparlé, ni, que je sache, à l'abbé Raynal, ni à personne de cette singulière léthargie, ni des soins que nous lui avions rendus, tandis qu'elle avait duré. Cette aventure ne laissa pas de faire du bruit, et c'eût été réellement une anecdote merveilleuse que la cruauté d'une fille d'opéra eût fait mourir un homme de désespoir. Cette belle passion mit Grimm à la mode. Bientôt il passa pour un prodige d'amour, d'amitié, d'attachement de toute espèce. Cette opinion le fit rechercher et fêter dans le grand monde, et par là l'éloigna de moi, qui jamais n'avais été pour lui qu'un pis-aller. Je le vis prêt à m'échapper tout à fait. J'en fus navré, car tous les sentiments vifs dont il faisait parade étaient ceux qu'avec moins de bruit j'avais pour lui. J'étais bien aise qu'il réussît dans le monde, mais je n'aurais pas voulu que ce fût en oubliant son ami. Je lui dis un jour, « Grimm, vous me négligez, je vous le pardonne. » Quand la première ivresse des succès bruyants aura fait son effet et que vous en sentirez le vide, j'espère que vous reviendrez à moi, et vous me retrouverez toujours. Quant à présent, ne vous gênez point, je vous laisse libre et je vous attends. » Il me dit que j'avais raison, s'arrangea en conséquence et se mit si bien à son aise que je ne le vis plus qu'avec nos amis communs. Notre principal point de réunion, avant qu'il fût aussi lié avec madame d'Épinay qu'il le fut dans la suite, était la maison du baron d'Holbach. Ce dit baron était un fils de parvenu qui jouissait d'une assez grande fortune, dont il usait noblement, recevant chez lui des gens de lettres et de mérite, et, par son savoir et ses lumières, tenant bien sa place au milieu d'eux. Lié depuis longtemps avec Diderot, il m'avait recherché par son entremise, même avant que mon nom fût connu. Une répugnance naturelle m'empêcha longtemps de répondre à ses avances. Un jour qu'il m'en demanda la raison, je lui dis « Vous êtes trop riche !» Il s'obstina et vainquit enfin. Mon plus grand malheur fut toujours de ne pouvoir résister aux caresses. Je ne me suis jamais bien trouvé d'y avoir cédé. Une autre connaissance, qui devint amitié sitôt que j'eus un titre pour y prétendre, fut celle de M. Duclos. Il y avait plusieurs années que je l'avais vu pour la première fois à la Chevrette, chez Madame d'Épinay, avec laquelle il était très bien. Nous ne fîmes que dîner ensemble, il repartit le même jour, mais nous causâmes quelques moments après le dîner. Madame d'Épinay lui avait parlé de moi et de mon opéra des Muses galantes. Duclos, doué de trop grands talents pour ne pas aimer ceux qui en avaient, s'était prévenu pour moi, m'avait invité à l'aller voir. Malgré mon ancien penchant, renforcé par la connaissance, ma timidité, ma paresse me retinrent tant que je n'eus aucun passeport auprès de lui que sa complaisance. Mais, encouragé par mon premier succès et par ses éloges qui me revinrent, je fus le voir. Il vint me voir. Et ainsi commencèrent entre nous des liaisons qui me le rendront toujours cher, et à qui je dois de savoir, outre le témoignage de mon propre cœur, que la droiture et la probité peuvent s'allier quelquefois avec la culture des lettres. Beaucoup d'autres liaisons moins solides, et dont je ne fais pas ici mention, furent l'effet de mes premiers succès, et durèrent jusqu'à ce que la curiosité fût satisfaite. J'étais un homme sitôt vu qu'il n'y avait rien à voir de nouveau dès le lendemain. Une femme, cependant, qui me rechercha dans ce temps-là, tint plus solidement que toutes les autres. Ce fut Madame la Marquise de Créqui, nièce de Monsieur le bailli de Froulay, ambassadeur de Malte, dont le frère avait précédé Monsieur de Montaigu dans l'ambassade de Venise, et que j'avais été voir à mon retour de ce pays-là. Madame de Créqui m'écrivit. J'allai chez elle, elle me prit en amitié. J'y dînai quelquefois, j'y vis plusieurs gens de lettres, et entre autres M. Saurin, l'auteur de Spartacus, de Barneveld, etc. Devenu depuis lors mon très cruel ennemi, sans que j'en puisse imaginer d'autre cause, sinon que je porte le nom d'un homme que son père a bien vilainement persécuté. On voit que, pour un copiste qui devait être occupé de son métier du matin jusqu'au soir, j'avais des distractions qui ne rendaient pas ma journée fort lucrative et qui m'empêchaient d'être aussi attentif à ce que je faisais pour le bien faire. Aussi, perdais-je à effacer ou gratter mes fautes ou à recommencer ma feuille plus de la moitié du temps qu'on me laissait. Cette importunité me rendait de jour en jour Paris plus insupportable et me faisait rechercher la campagne avec ardeur. J'allais plusieurs fois passer quelques jours à Marcoussis, dont Madame Levasseur connaissait le vicaire, chez lequel nous nous arrangions tous de façon qu'il ne s'en trouvait pas mal. Grimm y vint une fois avec nous. Le vicaire avait de la voix, chantait bien, et quoiqu'il ne sût pas la musique, il apprenait sa partie avec beaucoup de facilité et de précision. Nous y passions le temps à chanter mes trios de chenonceaux. J'y en fis deux ou trois nouveaux sur des paroles que Grimm et le vicaire bâtissaient, tant bien que mal. Je ne pus m'empêcher de regretter ces trios, faits et chantés dans des moments de bien pure joie, et que j'ai laissés à Wotton avec toute ma musique. Mademoiselle d'Avonport en a peut-être déjà fait des papillotes, mais ils méritaient d'être conservés et sont pour la plupart d'un très bon contrepoint. Ce fut après quelqu'un de ces petits voyages où j'avais le plaisir de voir la tante à son aise, bien gaie, et où je m'égayais fort aussi, que j'écrivis au vicaire, fort rapidement et fort mal, une épître en vers qu'on trouvera parmi mes papiers. J'avais, plus près de Paris, une autre station, fort de mon goût, chez Monsieur Mussard, mon compatriote, mon parent et mon ami, qui s'était fait, à Passy, une retraite charmante, où j'ai coulé de bien paisibles moments. Monsieur Mussard était un joaillier, homme de bon sens, qui, après avoir acquis dans son commerce une fortune honnête, et avoir marié sa fille unique à Monsieur de Valmalette, fils d'un agent de change et maître d'hôtel du roi, prit le sage parti de quitter le négoce et les affaires et de mettre un intervalle de repos et de jouissance entre le tracas de la vie et la mort. Le bonhomme Mussard, vrai philosophe de pratique, vivait sans souci dans une maison très agréable qu'il s'était bâtie et dans un très joli jardin qu'il avait planté de ses mains. En fouillant à fond de cuve les terrasses de ce jardin, il trouva des coquillages fossiles, et il en trouva en si grande quantité que son imagination exaltée ne vit plus que coquilles dans la nature, et qu'il crut enfin tout de bon que l'univers n'était que coquilles, débris de coquilles, et que la terre n'était que du cron. Toujours occupé de cet objet de ses singulières découvertes, il s'échauffa si bien sur ses idées qu'elle se serait enfin tournée dans sa tête en système, c'est-à-dire en folie, si, très heureusement pour sa raison, mais bien malheureusement pour ses amis, auxquels il était cher et qui trouvaient chez lui l'asile le plus agréable. La mort ne fut venue le leur enlever par la plus étrange et cruelle maladie. C'était une tumeur dans l'estomac, toujours croissante, qui l'empêchait de manger, sans que durant très longtemps on en trouvât la cause, et qui finit, après plusieurs années de souffrance, par le faire mourir de faim. Je ne puis me rappeler, sans des serments de cœur, les derniers temps de ce pauvre et digne homme, qui, nous recevant encore avec tant de plaisir, le Niepce et moi, les seuls amis que le spectacle des maux qu'il souffrait n'écarta pas de lui jusqu'à sa dernière heure, qui, dis-je, était réduit à dévorer des yeux le repas qu'il nous faisait servir, sans pouvoir presque humer quelques gouttes d'un thé bien léger qu'il fallait rejeter un moment après. Mais avant ces temps de douleur, combien j'en ai passé chez lui d'agréable, avec les amis d'élite qu'il s'était fait. À leur tête, je mets l'abbé Prévost, homme très aimable et très simple, dont le cœur vivifiait ses écrits, digne de l'immortalité, et qui n'avait rien dans l'humeur, ni dans la société, du sombre coloris qu'il donnait à ses ouvrages. Le médecin Procope, petit Ésope à bonne fortune, Boulanger, le célèbre auteur posthume du despotisme oriental, et qui, je crois, étendait les systèmes de Mussard sur la durée du monde. En femme, Madame Denis, nièce de Voltaire, qui, n'étant alors qu'une bonne femme, ne faisait pas encore du bel esprit. Madame Vanloo, non pas belle assurément, mais charmante, qui chantait comme un ange. Madame de Valmalette, elle-même, qui chantait aussi, et qui, quoique fort maigre, eût été fort aimable si elle en eût moins eu la prétention. Telle était à peu près la société de M. Mussard, qui m'aurait assez plu si son tête-à-tête avec sa conciliomanie ne m'avait plu davantage. Et je puis dire que pendant plus de 6 mois, j'ai travaillé à son cabinet avec autant de plaisir que lui-même. Il y avait longtemps qu'il prétendait que, pour mon état, les eaux de Passy me seraient salutaires, et qu'il m'exhortait à les venir prendre chez lui. Pour me tirer un peu de l'urbaine cohue, je me rendis à la fin, et je fus passé à Passy 8 ou 10 jours, qui me firent plus de bien parce que j'étais à la campagne que parce que j'y prenais les eaux. Mussard jouait du violoncelle et aimait passionnément la musique italienne. Un soir, nous en parlâmes beaucoup avant de nous coucher, et surtout des opérés bouffés que nous avions vus l'un et l'autre en Italie, et dont nous étions tous deux transportés. La nuit, ne dormant pas, j'allais rêver comment on pourrait faire pour donner en France l'idée d'un drame de ce genre, car les amours de Ragonde n'y ressemblaient point du tout. Le matin, en me promenant et prenant des eaux, je fis quelques manières de vers très à la hâte, et j'y adaptai des chants qui me revinrent en les faisant. Je barbouillai le tout dans une espèce de salon voûté qui était au haut du jardin, et, ôté, je ne pus m'empêcher de montrer ces airs à Mussard et à Mademoiselle Duvernoy, sa gouvernante, et qui était en vérité une très bonne et aimable fille. Les 3 morceaux que j'avais esquissés étaient le premier monologue. J'ai perdu mon serviteur, l'air du devin, l'amour croit s'il s'inquiète, et le dernier duo, à jamais Colin, je t'engage, etc. J'imaginais si peu que cela valût la peine d'être suivi, que, sans les applaudissements et les encouragements de l'un et l'autre, j'allais jeter au feu mes chiffons et n'y plus penser, comme j'ai fait tant de fois pour des choses du moins aussi bonnes. Mais ils m'excitèrent si bien qu'en 6 jours mon drame fut écrit, à quelques vers près, et toute ma musique esquissée, tellement que je n'eus plus à faire à Paris qu'un peu de récitatif et tout le remplissage, et j'achevai le tout avec une telle rapidité qu'en 3 semaines mes scènes furent mises au net et en état d'être représenté. Il n'y manquait que le divertissement, qui ne fut fait que longtemps après. Échauffé de la composition de cet ouvrage, J'avais une grande passion de l'entendre, et j'aurais donné tout au monde pour le voir représenté à ma fantaisie, à porte fermée, comme on dit que Lully fit une fois jouer Armide pour lui seul. Comme il ne m'était pas possible d'avoir ce plaisir qu'avec le public, il fallait nécessairement, pour jouir de ma pièce, la faire passer à l'opéra. Malheureusement, elle était dans un genre absolument neuf, auquel les oreilles n'étaient point accoutumées. Et d'ailleurs, le mauvais succès des Muses galantes me faisait prévoir celui du devin, si je le présentais sous mon nom. Duclos me tira de peine et se chargea de faire essayer l'ouvrage en laissant ignorer l'auteur. Pour ne pas me déceler, je ne me trouvais point à cette répétition. Et les petits violons qui la dirigèrent ne surent même qu'elle en était l'auteur qu'après qu'une acclamation générale eut attesté la bonté de l'ouvrage. Tous ceux qui l'entendirent en étaient enchantés, au point que, dès le lendemain, dans toutes les sociétés, on ne parlait d'autre chose. Monsieur de Curie, intendant des menus, qui avait assisté à la répétition, demanda l'ouvrage pour être donné à la cour. Duclos, qui savait mes intentions, jugeant que je serais moins le maître de ma pièce à la cour qu'à Paris, la refusa. Curie la réclama d'autorité. Duclos tint bon, et le débat entre eux devint si vif qu'un jour à l'opéra ils allaient sortir ensemble si on ne les eût séparés. On voulut s'adresser à moi. Je renvoyai la décision de la chose à monsieur Duclos. Il fallut retourner à lui. Monsieur le duc d'Aumont s'en mêla. Duclos crut enfin devoir céder à l'autorité, et la pièce fut donnée pour être jouée à Fontainebleau. La partie à laquelle je m'étais le plus attaché et où je m'éloignais le plus de la route commune était le récitatif. Le mien était accentué d'une façon toute nouvelle, marchait avec le débit de la parole. On osa laisser cette terrible innovation. L'on craignait qu'elle ne révoltât les oreilles moutonnières. Je consentis que Franqueuil et Joliotte fissent un autre récitatif, mais je ne voulus pas m'en mêler. Quand tout fut prêt et le jour fixé pour la représentation, l'on me proposa le voyage de Fontainebleau pour voir au moins la dernière répétition. J'y fus avec Mademoiselle Fell, Grimm et, je crois, l'abbé Rénal, dans une voiture de la cour. La répétition fut passable, j'en fus plus content que je ne m'y étais attendu. L'orchestre était nombreux, composé de ceux de l'opéra et de la musique du roi. Joliotte faisait Colin, Mademoiselle Fell, Colette, Cuvillier, le devin. Les chœurs étaient ceux de l'opéra. Je dis peu de choses. C'était Joliotte qui avait tout dirigé. Je ne voulus pas contrôler ce qu'il avait fait, et, malgré mon ton romain, j'étais honteux comme un écolier au milieu de tout ce monde. Le lendemain, jour de la représentation, j'allais déjeuner au café du Grand Commun. Il y avait là beaucoup de monde. On parlait de la répétition de la veille et de la difficulté qu'il y avait eu d'y entrer. Un officier, qui était là, dit qu'il était entré sans peine. Conta au long ce qui s'y était passé, dépeignit l'auteur, rapporta ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit. Mais ce qui m'émerveilla de ce récit assez long, fait avec autant d'assurance que de simplicité, fut qu'il ne s'y trouva pas un seul mot de vrai. Il m'était très clair que celui qui parlait si savamment de cette répétition n'y avait point été, puisqu'il avait devant les yeux, sans le connaître, cet auteur qu'il disait avoir tant vu. Ce qu'il y eut de plus singulier dans cette scène fut l'effet qu'elle fit sur moi. Cet homme était d'un certain âge. Il n'avait point l'air, ni le ton, fat et avantageux. Sa physionomie annonçait un homme de mérite. Sa croix de Saint-Louis annonçait un ancien officier. Il m'intéressait, malgré son impudence et malgré moi. Tandis qu'il débitait ses mensonges, je rougissais, je baissais les yeux, j'étais sur les épines. Je cherchais quelquefois en moi-même s'il n'y aurait pas moyen de le croire dans l'erreur et de bonne foi. Enfin, tremblant que quelqu'un ne me reconnût et ne lui en fît l'affront, je me hâtai d'achever mon chocolat sans rien dire, et, baissant la tête en passant devant lui, je sortis le plus tôt qu'il me fut possible, tandis que les assistants péroraient sur sa relation. Je m'aperçus dans la rue que j'étais en sueur, et je suis sûre que si quelqu'un m'eût reconnu et nommé avant ma sortie, on m'aurait vu la honte et l'embarras d'un coupable par le seul sentiment de la peine que ce pauvre homme aurait à souffrir si son mensonge était reconnu. Me voici dans un de ces moments critiques de ma vie où il est difficile de ne faire que narrer, parce qu'il est presque impossible que la narration même ne porte empreinte de censure ou d'apologie. J'essaierai toutefois de rapporter comment et sur quel motif je me conduisis, sans y ajouter ni louange ni blâme.